child. Child. Yo. Tout commence face au loquetto. Ah, j'ai juste regardé, j'ai tout de suite vu que le bas de son dol m'appelle, elle est chaude. Elle a envie que je vienne et qu'on profite ensemble. Elle a envie que je fasse des choses. Pas juste qu'on voit une fois que t'assumes ton dos. J'assume ma life, donc assume ton dieu. Pas de love et sans travaux. J'suis manipulé par ta faute. À son body, toujours dans le tempo. Toujours prêt pour quelque chose. Ma ayo, don't cry yo. I need to go Aisha yo. I need to go Aisha yo. I need to go Aisha yo. I need to go Aisha yo. Shayo, shayo. He don't cast last, last. Now everybody go chop breakfast. Shayo. Thank you.